torche est allumée. On vient fumer le calumet de la guerre. C'est le rap, t'as les allumés de la thèse. Le rap qui t'aide à assumer ta peine ou annoncer ta perte, ça pète. On a les dents sur la goupille. Donc explosif sera la suite. Le rap français sur un fil. Nous voir flancher, c'est impossible. Comme nous voir serrer la main à un flic. La rue aura ce qu'elle demande. Supporte la clique, achète le scud. Si t'as quitté la street et qu'elle te manque, on sait que les balles tringuent. Voudront nous tirer dans les pattes. On vient mettre du ciment sur les pages, du goudron dans les bacs. Vas-y saute, fais-nous la courte échelle. La vie est courte et chère. On a la dalle mais faut pas qu'on goûte l'échec. Ça vient du Landiland d'Aubert. Et toutes ces tests en mode jihad. On vise le million comme G.I. Bientôt les MC regarderont nos clips sur leur lit d'hôpital. Le cinéma bravo 2, héros de moi du tchèpe comme Alien. Même si je t'ai crié, ton flot traîne au marin. Vas-y chante mon putain d'air, putain de merde. Les chiens sauvages sont de sortir sans muselière. Les noirs bravo 2, héros de moi du tchèpe comme Alien. Même si je t'ai crié, ton flot traîne au marin. Vas-y chante mon putain d'air, putain de merde. Les chiens sauvages sont de sortir sans muselière. Sur l'album du général Vlal 6, on crée des phases d'admire. Crée les gars, fais des traces, ça met des claques, j't'affirme. Restez calme, j't'avise, t'es baisé grave, blessé, j'lâche la rime. T'es bénégas, j'ai nexraf, la mise là. C'est les gars de ma ville, alors restez à l'abri. Ça s'annonce expiélosif. Clic, laisse briller nos styles, fils. Les mecs prient que vos clics vivent. Tu testes, tu vas te faire plier trop vite, G. Tu connais le coin, Aubert, LL, Landiland. Laisse faire les experts, wesh, qu'est-ce qu'en dit grand. Respecte les mecs frais qui baissent même l'anti-gang. Qui ont des textes frais et te mettent des perfects quand ils chantent. Alors prends pas pour une pointure, mec. Chacun de nos textes est une arme qui pointe sur le bec. Les yeux de la rue dans un coin me surveillent. Mac d'ailleurs lâche ton refrain, je mets un point sur ce texte. Le cinéma noir bravo 2, héros de moi du tchèpe comme Alien. Même si je t'ai crié, ton flot traîne au marin. Vas-y chante mon putain d'air, putain de merde. Les chiens sauvages sont de sortir sans muselière. Le noir bravo 2, héros de moi du tchèpe comme Alien. Même si je t'ai crié, ton flot traîne au marin. Vas-y chante mon putain d'air, putain de merde. Les chiens sauvages sont de sortir sans muselière. Trop d'attitude dans nos shows, 600 verres et sauts. Un grain d'orgueil pour les grandes gueules. Ferme ta gueule gros à chaud. Me voilà en chair. Tu veux tester mais t'es malade. Ça vient d'Aubert. L'évolution met la pression. Fiston. Je suis sorti, c'est le VR6 en action sans pression. Sur l'album de saut. J'en place une pour Rimka Amo. Je me décharge. J'avance le noyau percé. Stressé depuis l'adolescence. Je suis bouleversé. Échec scolaire et quelques accolades. Normal avec l'équipe, on évolue, on monte en grade. Je viens de là où l'échec est souvent fréquent. Là où si tu rates ton coup, tu peux prendre 10 ans. Les mains pleines de sang et pourtant aucun meurtre. Je veux intégrer le périph' de la gloire. Un sentiment que ma musique est magique. Une tradition chez Explosive Music. C'est bien l'oseille qui éclabousse mon sourire. Je reste serein pour les jours à venir. Le ciné noir bravo 2, héros de moi du tchèpe comme Alien. Même si je t'ai crié, ton flot traîne au marin. Vas-y chante mon putain d'air, putain de merde. Les chiens sauvages sont de sortir sans muselière. Le noir bravo 2, héros de moi du tchèpe comme Alien. Même si je t'ai crié, ton flot traîne au marin. Vas-y chante mon putain d'air, putain de merde. Les chiens sauvages sont de sortir sans muselière. Vas-y chante mon putain d'air, putain de merde. Vas-y chante mon putain d'air, putain de merde.